Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 235e émission de Rock de Neurones. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant cette émission aujourd'hui, bien, on va entendre Solaris de Hongrie, Steve Unruh des États-Unis, Chasing the Monsoon d'Angleterre, Sezione Frenante d'Italie, on a Tercerdia du Chili, This Winter Machine d'Angleterre, Nine Skies de France, Tacita Intesa d'Italie et Pure Reason Revolution, ça c'est d'Angleterre. Alors aujourd'hui, pour le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine, eh bien on a le groupe hongrois Solaris qui vient de sortir son cinquième album studio en 35 ans. C'est Nostradamus 2.0. Alors, c'est une suite à un album qui a déjà été... populaire en 1999, donc il y a 20 ans. C'était Nostradamus Book of Prophecies. Et bien, le nouvel album est quand même un petit peu court, à mon avis. On parle ici de 44 minutes, c'est-à-dire, se répartit sur 4 chansons, dont une de 34. Alors, c'est cette chanson-là de 34 minutes que j'ai un peu rognée pour la réduire à 27 minutes et ça va occuper tout le bloc, tout le premier bloc de l'émission. Alors, il va tout de suite avec Solaris. Thank you. Muscas. Spiro, spero, silenzi un tenebris profundi sta lì. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe hongrois Solaris et la pièce titre de l'album Returnity. En fait, c'est la version Nostradamus 2.0, 20 ans plus tard, après la première version Nostradamus. Alors, après la pause, Stevie Unruh, Chasing the Monsoon et Sessione Frenante. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je rappelle aux auditeurs que si vous voulez retracer la musique, en fait, les informations concernant la musique qui est jouée durant l'émission, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Vous allez y trouver toute l'information et beaucoup d'autres choses. Alors, on débute avec Steve Unruh. Ça, c'est le chanteur violoniste du groupe de Samurai of Prague. Il est aussi actif avec la formation Resistor, mais pardon, sa carrière solo l'a amené à produire 9 albums studio, dont le plus récent qui s'intitule Précipice, et on va entendre la pièce Luxury Denial. Ensuite, ça va être Chasing the Monsoon. En fait, c'est un groupe pas très connu, mais on connaît surtout quelques musiciens qui viennent de la formation Karnataka. Alors, le groupe Chasing the Monsoon vient de sortir un album qui s'intitule No Ordinary World, et on va entendre la pièce titre. Et on va conclure avec Sessione Frenante, un groupe italien assez récent. C'est l'ère moderne du rock progressif italien. Alors, ils ont 2 albums, le premier paru en 2014 et le plus récent s'intitule Nuove Dimensioni, et on va entendre la pièce Cosmos. Alors, on débute ça avec Steve Unruh. We all saw the gathering of clouds, darkening the skies over the horizon. But evermore the captain becoming proud and telling everyone the bleakness was behind him. try to save your pride, try to sway the tide with a teacup bailing. I kept it all inside, tend and justified, hanging on your railing. Sail on, sail on, luxury denial. No one there to tame your grief, no one there to question belief. Spin, spin of the tail, apart the sail, jettison the mooring. Sacrifice your friend if it serves the end, the purpose of your victim's story. Sail on, sail on. Thank you. technological. Thought you had a second sight. Open water. Now you Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe italien Sezione Frenente et la pièce Cosmos. Ça, c'est tiré de Nuove Dimensioni. C'est tout récent. Et ça a été précédé de Chasing the Monsoon avec la pièce titre de l'album No Ordinary World. Ça aussi, c'est quand même une nouveauté. Et une autre nouveauté a débuté le bloc, c'était Steve Unruh, le chanteur violoniste de Samurai of Prague. Et la pièce Luxury Denial tirée de Précipice, sa nouveauté. Alors, après la pause, un groupe du Chili, un d'Angleterre et un de France. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones. Et pour ce troisième bloc, on va débuter avec une nouveauté qui nous vient du Chili. C'est le groupe Terceria. Et c'est leur premier album. En fait, moi, j'en en connais qu'un seul à date. Là. C'est sorti en juin de cette année. L'album s'intitule Mira Sin Mirar. Et j'ai extrait deux pièces, Fugitivo et Rencampiendo El Silencio. Et ensuite, ça sera suivi par This Winter Machine, qui est un groupe britannique. C'est assez récent sur la scène du rock progressif. Ils ont deux albums, le premier paru en 2017 et le plus récent, A Tower of Clocks. Ça, c'est la pièce Delta qu'on va entendre. Et en fin de bloc, on a la formation française Nine Skies. C'est, je pense, leur deuxième album. Je vais juste faire une petite vérification ici. Oui, c'est leur deuxième album. Le premier aussi est paru en 2017, là, comme This Winter Machine. Et le nouvel album s'intitule Sweetheart Grips et on va entendre Somewhere Inside Mankind. Alors, on débute ça avec le Chili. Thank you. buscado, cuánto anhela estar cerca de ti. Cuántas veces te ha llamado, cuánto amor tú has dejado ir. Tú sabes bien el camino a casa, tu padre no hace más que esperar de tierras desconocidas, vagas, a tu hogar has desechado, imponiendo tu propio destierro. Tú sabes bien el camino a casa, tu padre no hace más que esperarte. Fugitivo, fugitivo, sabes el camino. Fugitivo, fugitivo, sabes el camino. Thank you. ¡Yo soy Dios! Enalteció tu corazón, caíste. Espanto será y por siempre dejará de ser. And

Alors, c'était le groupe français Nine Skies avec la pièce Somewhere Inside Mankind. Ça, c'est tiré de leur plus récent album Sweetheart Grips. Ça a été précédé de This Winter Machine et la pièce Delta. Ça, c'est tiré de leur plus récent album A Tower of Clocks. Et en début de bloc, on avait la version, en fait, la formation chilienne Terceira. Et deux extraits de l'album Mira Sin Mirar. La première, c'était Fugitivo. Et la deuxième, ça a été Rompiendo el Silencio. Alors, je rappelle aux auditeurs que si vous voulez retracer l'information concernant la musique qui est jouée durant l'émission, eh bien, je vous invite à consulter la page Facebook Rock de Neurones. Toute l'information concernant les pièces, les artistes, les albums, la provenance et l'année d'émission. Et tout décrite sur la page Facebook. Alors, après la pause, on va aller du côté de l'Italie avec Tacita Intensa et on va conclure avec Pure Reason Revolution d'Angleterre. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on va débuter avec une formation italienne, c'est Tacita Intensa. Ils ont deux albums. Le premier paru en 2014 et l'autre, c'est tout récent, en fait, fin de l'année 2018. C'était l'album Faro. Et la pièce que je vous propose, ben, c'est Onda Nera. Et ensuite, on va conclure avec un groupe britannique. C'est un groupe de jeunes musiciens qui ont concocté trois albums durant leurs années universitaires. C'était à Westminster. Et des trois albums, j'en ai retenu deux pour vous présenter, en fait, deux extraits de deux albums. Le premier extrait, ça vient de Dark Third, paru en 2006. Et la pièce est Voices in Winter in the Realms of the Divine. Et ensuite, The Bright Ambassadors of Morning. Ça, c'est tiré de Cautionary Tales for the Brave. Je rappelle que c'est un style musical qui les est particulier. Alors, comme d'habitude, j'aime bien ça faire découvrir des choses aux auditeurs. D'autres vont aimer, d'aucuns n'aimeront pas. Alors, moi, j'aime beaucoup. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter en début de bloc Tacita Intensa et ensuite Pure Reason Revolution. Thank you. Silence, solitude, birds course through. Alors ça, c'était la formation britannique Pure Reason Revolution. Ça, c'était un groupe de jeunes musiciens de l'Université de Westminster qui ont concocté 3 albums durant leur passage universitaire. Et vous en avez entendu 2 extraits. Le premier, bien, en fait, le plus récent, là, c'était The Bright Ambassadors of Morning, tiré de Cautionary Tales for the Brave. Ça, c'est paru en 2005. Et la pièce qui a précédé, bien, c'était Voices in Winter in the Realms of the Divine, tirée de Dark Third. Et en début de bloc, bien, on avait Tacita Intesa d'Italie avec la pièce Onda Nera, tirée de Faro, parue en 2018. Alors ça met fin à la programmation musicale de cette 235e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89 à Trois-Rivières ou à partir de cestfou.ca. Et l'émission est aussi disponible sur Internet là, durant la semaine. À des heures, ben, c'est vous qui choisissez l'heure. C'est sur SoundCloud, alors vous n'avez qu'à taper Rock de Neurones dans la barre de recherche et vous allez accéder à l'émission de la semaine courante. Et si vous voulez entendre des émissions précédentes, bien, c'est archivé sur archive.org. Vous pouvez aller directement sur archive.org ou vous pouvez passer par la page Facebook de l'émission. Sur cette page Facebook-là, ben, les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, ben, vous allez tout trouver ça là. Et aussi, il y a d'autres informations comme les palmarès, particulièrement là, le palmarès des 15 meilleurs albums selon votre animateur, les 15 meilleurs albums de 2019. Vous aurez aussi des liens qui vous amèneront à des émissions précédentes, en plus de certains palmarès, notamment un palmarès des meilleurs albums de rock progressif italien et aussi du rock progressif québécois. Et j'ai aussi un lien sur une page spécialisée qui vous permet de faire un petit retour en arrière pour les 100 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.